Center Park, un blues on wear, du cha-cha-cha. Cette semaine, on a maté Dirty Dancing et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré à... Bonsoir. À Danse Lascive, titre québécois, des 1000 Ardolino. À mes côtés pour en parler ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine. Comment ça va Barbara? Ça va. Tu es Dirty Dancing ce soir ou pas? Oh oui. Parfait. Je vois Greg qui Dirty Dance. Je suis en total Dirty Dance. Comment ça va Greg? Ça va, ça va. Et Mickaël? Bah Mickaël, il a le swing dans la peau. Oui. Ah oui. Bah, on a le et swing. Et Antoine, t'as le swing dans la peau? Je vais Dirty Dancer avec vous ce soir, ne vous inquiétez pas. Très bien. Pour parler donc de Dirty Dancing, je l'ai dit à peu près 9 fois. Oh bon. C'est quoi le film? Sorti en 1987, 100 minutes, avec Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes. C'est laquelle, Cynthia Rhodes? Je sais pas. Ah d'accord, le gars qui a suivi quoi. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. The dancing sets her free. Esquire Pictures presents Dirty Dancing. She thought it would be just another summer vacation. Who's that? Oh, them. They're the dance people. But it turns out to be the time of her life. Watch me now! I can't even do the merengue. He teaches her what she can do. Donc voilà, il va lui apprendre le merengue, le mambo, le cha-cha-cha, le passo doble. C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra sur le plateau de 2 heures de perdu, on était tous en train de danser là. Voilà. Ouais, moi j'ai mis ma jupe Dirty Dancing. Personne n'a vu, mais j'ai fait une coupole. Très bon film, hein, très très bon film. Hein. Alors voilà, donc là on sait pas si Greg est ironique ou pas. On sait jamais si c'est du lard ou du cochon avec celui-là. Non, mais bon, c'est, pour non, toi, c'est nul. Pour toi, c'est la planète des singes ou c'est Wild Wild West là? Là, c'est plus Wild Wild West. Ok. Non, mais c'est. C'est dur. C'est dur. Tu l'avais déjà vu? Non. Non, je l'avais pas vu. Ouais, moi non plus, j'avais jamais vu. Comment tu m'étonnes? Bah, je me suis étonné moi-même. T'en as pensé quoi? Bah, l'histoire est pourrie. Enfin, c'est pas trop. Moi, je trouve pas ça crédible. Mmh. En revanche, j'ai adoré la musique et j'étais un peu en train de me trémousser pendant tout le film. J'ai peur. Oui, moi aussi. J'ai un peu flippé quand t'as commencé ta Est-ce que tu t'es dit que t'aurais pu l'aimer à 15 ans, ce film? Sûrement, ouais. Est-ce que tu t'es dit que tu l'aimes encore aujourd'hui? C'est-à-dire? Est-ce que tu as aimé l'interro SS de Je viens de te dire que j'ai aimé la musique, mais pas l'histoire. Tu n'as pas écouté. Hein. Et toi, Mickaël? Alors moi, apparemment, je suis le seul à avoir vu le film. Hein. Bah, je sors avec une personne de sexe féminin, donc j'ai vu le film avant. Ouais. Du coup, et moi, j'aime bien ce film. Je passe un bon moment. Moi, je ne l'avais jamais vu. Et je l'ai vu trop tard et avec le mauvais sexe quoi, parce que franchement non, avec c'est un quoi, mauvais sexe. C'est pas cool. Bah, c'est-à-dire que j'aurais préféré avoir un vagin pour le kiffer, mais là c'est juste ouais, c'est oh un peu là chiant là. Bah non, mais bon, c'est pas du machisme, mais nous on a Top Gun, vous avez Dirty Dancing quoi, c'est vrai. Et bah moi je préfère, moi, à, préféré, à 15 ans, à 15 ans j'aurais pas kiffé ça, c'est sûr. Ah tout est exagéré, c'est plein d'incohérences. Ah bah oui, c'est un peu chiant quoi, quand même. Oui, ouais. Mais bon, c'est. Mais par contre, attention, c'est un second degré. Moi, j'adore la BO en fait. C'est pas nullissime parce que par contre, pour le coup, ça se regarde bien. J'ai pas mis en accéléré, j'ai pas fait de coupe, j'ai rien jusqu'à la fin. C'est juste un film de danse pendant les vacances, quoi. Ce qui est pas forcément. Ouais. J'aime bien les vacances. Encore bien vacances. La danse, j'aime bien les vacances, mais là, j'aime bien Center Park. Hein, vous m'y prendrez pas, mais. Alors petit résumé, c'est une nana qui va en vacances avec ses parents justement à Center Park, ouais. Ouais. N'est-ce pas? Et donc je sais pas pourquoi dans ce centre de vacances tout le monde danse et il y a des danseurs professionnels qui sont payés pour faire danser les gens et c'est vraiment la frénésie de tout le monde, c'est de danser. Ils dansent tout le temps. Et personne ne sait danser à part les profs de danse, mais ouais. Sinon les autres c'est des. Bah, disons c'est que s'ils avaient engagé des joueurs d'échecs professionnels, ça aurait été plus chiant. C'est pas le même type de vacances. Et donc Dirty Chess. Elle se rend compte qu'il y a un beau gosse. Et donc elle va aller avec les géos, parce que c'est des géos, parce que les géos ils font des rencontres de danse entre eux, oui, Dirty Dance justement. Les quoi, les géos? Les géos, gentils organisateurs. Ouais, c'est au Club Med. Comme ça qu'on les appelle, le Club Med. Ah d'accord. Parce qu'en fait c'est pas vraiment Center Park, c'est Center Park et le Club Med réunis. Ouais, en fait c'est plus le Club Med. C'est ouais, juste c'est... les grandes étendues d'herbe, donc ça fait penser à Center. Non mais c'est Center Dance quoi, parce qu'en fait elle... C'est vrai. Voilà. Et donc il y a une des danseuses professionnelles qui ne va pas pouvoir danser. On expliquera pourquoi. Au truc. Ouais. Et il se trouve qu'ils vont demander à notre petite bébé, et c'est comme ça qu'elle se nomme, de devenir la dirty danseuse, qui ne sera pas forcément dirty, mais qui va devoir relever le défi d'apprendre à danser depuis zéro. En trois jours. Et en même temps, d'apprendre à aimer Patrick Swayze. Et ça, c'est... Oui. C'est bon, l'aime dès le début. Elle a le coup de foudre. Donc voilà, tu mélanges les vacances, la danse. Et des beaux gosses, et ben voilà, t'arrives à gosse, Dirty Dancing. Un beau gosse amulet quand même. VO, VF, vous les mettez comment? VF, bien sûr. Oh ça, oui, VF. Ça, faut regarder VF. En VF. Oui, VF. Enfin, VO. Sans hésitation, j'ai mis la VF. Ah, moi aussi, moi. Je l'ai cherché même. Ah, donc ouais. Les musiques du film sont toutes ultra cool. Ouais, ouais elles sont toutes. Sauf cool. En plein milieu, l'anachronisme ultime du son des années 80, car rien à foutre là. Mais... À la fin aussi, hein, du coup. Bah oui, mais oui, il y a deux moments, effectivement. Au milieu du film, il y a un gros son avec des synthés. Et qui est fin. Chanté par Patrick Swayze d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, c'est, enfin, c'est lui qui chante. Ouais. Ah putain, il y a toutes les qualités. Milieu, et parce qu'il danse bien quand même. Il danse très bien. Je dois admettre, il danse très bien. Il danse mieux quoi. Hein. Ah. Et ah bah t'es en fauteuil roulant. Tu t'es jamais dansé. Ah t'es sévère avec toi là quand même. Moi j'ai jamais vu le film. Au début j'ai vraiment flippé parce que le film s'ouvre avec la voix off de bébé qui explique un peu les bails. Ouais. Alors moi déjà, elle va monter dans les tours. C'est bon comme ça, ils sont placés. C'est bon comme ça. Au moins on est tranquille. Pour montrer c'est qui domine. Et au début, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit putain, si on va se prendre la voix off toutes les 10 minutes pour faire les chapitres. Alors je tiens juste moi à préciser sur le plan personnel que je n'ai pas emprunté le DVD à la bibliothèque. Tu l'avais dans ta DVD-thèque. J'ai vraiment vu Dirty Dancing quoi. Je sais pas si vous remarquez, il y a le méchant de Jurassic Park. Exactement. Oui, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Ouais, exactement. Ouais. Il est là, quoi. Ouais. Et moi, ce que je trouve marrant dès le début du film, c'est que visiblement, dans les années 60 aux États-Unis, on partait en vacances avec ses parents jusqu'à l'âge de 37 ans. C'est ça. Parce qu'il y a toute la famille. Ouais, c'est ça. Bah, attends, elles ont 20 ans, les deux. Alors déjà, elles n'ont pas du tout l'air d'être sœurs. Hein. Enfin, elles se ressemblent absolument pas. Bah non, il y en a une qui est jolie et l'autre pas, quoi. Celle qui est jolie, c'est pas l'héroïne non plus. Non, c'est bizarre. Hein. Et en vous plus, saviez que. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Il se détestait avec Patrick Swayze sur le tournage du film. J'ai pu lire ça. Et Patrick... ouais. Gray et Swayze se détestaient. Ouais. Bah, c'est peut-être parce qu'ils ont 15 ans d'écart. c'est super mal fait. Hein. On a l'impression qu'elle a 12 ans et que lui il en a 30. Il en a 30 quoi. Mais encore, mais moi, surtout j'ai l'impression que en l'espace d'une semaine, elle passe de 12 à 35 ans. Quoi. C'est vrai, t'as l'impression qu'elle vieillit en fait d'un coup à partir du moment où elle a été en tournage. Parce qu'il fallait vraiment qu'elle apprenne la danse et quand elle commence le film, elle sait vraiment pas danser. Déjà, moi, il y a un truc, c'est que tu arrives au centre de vacances. Le premier truc que je me suis dit, c'est mais c'est l'enfer ce centre de vacances. Ah, mais c'est la danse de l'enfer. Non, mais c'est une punition. Je préfère aller en tôle qu'aller là. Non, mais c'est sûr. Mais c'est... Et ce qui est marrant, c'est que tu sais, ça tout a un aspect très puritain. Les gens sont très propres sur eux. 1963, on l'a pas dit. Et dès le début, ça parle de cul. C'est-à-dire qu'il y a le mec qui fait et vous pour les vieux, ça sera. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Non. Et vous pour les vieux, ça sera du sexe à volonté. Tout au début. Mais oui. Ah ouais, je vous assure. Ah ouais. Et donc en fait c'est très puritain et t'as toujours des allusions. Dirty dans le titre, Greg il a dû se tromper. Ah, moi j'ai pas vu un truc sur la danse. Ça m'a paru bizarre, c'était pas désagréable. J'ai regardé jusqu'au bout. Tu t'es tripoté devant. Patrick Swayze, c'est le grand black là. Là il y a un truc tout de suite, on explique, je n'ai pas du tout compris le système, le staff, en gros t'as des étudiants en médecine qui sont serveurs et des gens qui ne sont rien, qui sont éducateurs de danse, ouais. Au nombre de 70, enfin, ouais, il y a plus de beaucoup. Profs de danse que d'élèves dans l'école. Ouais. Je peux te remarquer parce que quand elle va à la soirée des profs de danse, ils sont 800 000. Mais non, attends, c'est pas les profs de danse, c'est tous les serveurs qui dansent entre eux. Non, parce que dans leur staff area. Parce que les autres serveurs, ils sont médecins et tu sais, genre, parce que t'as vraiment les serveurs hype au milieu qui ont fait Yale et tout, qui sont pas agréables avec les autres. Bon, en tout cas, il y a plein partie le fameux Bobby, c'est ça. Il y a plein de monde. Et tout le monde danse, en tout cas, ça, on est sûr. Ils dansent tous très bien. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une scène au début où il y a un cours de danse avec des vieux, et là, tu sais que t'es dans un camping parce que c'est le festival de la chaussette en sandales. Je sais pas si t'as remarqué, t'en as au moins 3-4. Des figurants allemands, certainement. Il y a un truc pareil qui m'a fait marrer, c'est 1963. Je veux dire, parce que j'ai noté un peu quelques anachronismes, il faut être précis. Patrick Swayze, il arrive, il a les lunettes de Terminator de 1985. Il a son blouson aussi. Mais il a un style, le gars, il sort, t'as l'impression qu'il arrive de futur, quoi. C'est le rebelle, quoi. Non, mais c'est vrai que quand il arrive, il a quand même la classe, tu sais, en fait, il domine tout le monde. Mais arrête de dire qu'il a la classe. Mais non, mais il arrive, tu sais, tout le monde. Il a un vieux mulet, les mecs, c'est pas possible. Alors, c'est Brigade de la police. T'imagines la classe, mais non, mais il a du charisme. Voilà, c'est tout. Moi, je suis désolé, je reconnais. Il faut reconnaître, il a du charisme. Non, mais c'est surtout son personnage, c'est un petit peu le mec idéal. Enfin, je veux dire, il est beau gosse, il est bad boy, mais en même temps romantique. Il a des valeurs. Il danse comme un dieu. Il a des valeurs. Il a des valeurs en plus. Ouais. Hein, ça, c'est un peu le point commun de tous les héros des films qu'on fait, quoi. C'est les valeurs. Il est un peu plus intelligent que Ryan Gosling, et voilà, c'est tout bon. Et d'ailleurs, pendant tout le film, il y a plein de moments, je n'arrivais pas à savoir s'il ressemblait à David Hasselhoff ou Kurt Russell. Bah, c'est un mix. Ah ouais. Mais c'est un mix des deux, en fait. Moi, je trouve. Pas mal, je trouve plutôt beau gosse. Je trouve qu'il a une tête quand même vraiment chelou. Il change vraiment de visage. Voilà, je trouve plus beau que Ryan Gosling pour le coup. Mais il en est mort. C'est pas le même genre. De sa tronche. Hein? Ouais. Comment ça? Bah, tu chercheras. la fausse info, quoi. Non, surtout l'anecdote de Greg. Il est mort comment? Bah, je sais pas. Ah, si, il est mort du DAF, non? Non, je crois pas. Non, il est mort de la drogue et de l'alcool. Il est tombé dans. Ah ouais? Ouais. Ouais. Tombé de quel? Ah oui, 8e. D'accord. ça c'est un mini détail mais qui a son importance avant qu'elle arrive à la fête des serveurs, des gens cool, parce que c'est ça en fait, elle traîne dans un mauvais endroit et elle croise avec les vieux et puis elle croise un serveur qui porte les plus grosses pastèques du monde. Ouais. Viens, on fait le concours des pastèques géantes. Ouais. Non, mais ce qui est marrant c'est qu'en fait elle voit bien qu'il se passe un truc avec les géos. Ouais. Et elle se dit, et enfin, elle est en fin de soirée, elle s'ennuie un petit peu, elle se dit, bon, bah vas-y. Elle a déjà repéré Swayze, déjà, hein, quand même. Et elle passe du côté des géos, et sur le chemin pour aller chez les géos, j'ai beaucoup dit géos, il y a marqué no trespassing, machin, pour les only staff. Tu sais, mais c'est marqué d'une manière ultra flippante, comme s'il y avait des vélociraptors derrière. Ouais, c'est ça. Attention, ne pas passer, il y a des géos. Bah, c'est le mec de Jurassic Park, Camille Brocard. Non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'elle passe de la gériatrie à la boîte SM, quoi, à la boîte échangiste. Quoi, c'est ça. Mais en plus, t'as vraiment ce cliché-là, genre, non, mais ici, t'es chez les prolos et tout, machin, et ils font tous des danses pas possibles, tu vois. Ouais, je sais pas, quand tu danses le rock, ça ressemble pas à ça, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'ils font des soirées tous les soirs où tout le monde se chauffe, mais c'est-à-dire qu'ils dansent tous, ils sont tous en train de se choper, quoi, tu vois. Il y en a pas un qui danse vraiment, ils sont tous en train de se choper. Ouais. Et donc, elle arrive là-dedans, elle est un peu niaise. Bah, elle est toute innocente, quoi. Bah, elle est toute coincée, coincée du cul. Et là, t'as le grand chef qui arrive, Patrick Swayze, et sa blonde, son acolyte, et qui danse. Eux, ils font le show chez les vieux et même chez les danseurs aussi. Ils font les shows partout, quoi. Alors, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils arrivent en fait après bébé justement qui arrive. Alors tout le monde danse. Eux, ils font le show de ouf. Et lui, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, il se laisse tomber derrière. Il y a un mec qui le rattrape, qui le renvoie. Clairement, tu fais ça en soirée, tu finis un fauteuil roulant. J'essaierai pas. Non, mais c'est surtout que c'est ça, il arrive, c'est la superstar, tout le monde les regarde, tout le monde les admire, tout le monde met en. Tu vois, limite, tout le monde s'arrête de danser. Ah bah, c'est bon, ils font leur chose, c'est génial, tu vois. Ouais, en vrai, t'as le mec qui fait ça tous les soirs, moi, au bout d'un moment, il commence à nous gonfler, là, Patrick, avec son truc. Patrick, en plus, Patrick, ça lui va bien. Hey, Patrick, c'est bon, là, on a compris avec ta gondesse. Et pas tout. Arrête un peu, là. Ah, merde, y a pas tout qui met sa musique, il va comprendre toute la place. Et là, il va lui montrer vite fait la danse parce qu'il va la croiser. Il fait tout un truc genre, elle a pas le droit d'être ici. Bon, bah bien, je vais quand même te montrer comment on danse. Ouais. Et elle fait exprès de, ça, de mal danser en fait. Tu vois, ça me fait un peu de la peine. Et en plus, elle le fait assez mal parce qu'elle danse direct quand même hyper bien, quoi. Tu vois. Même à la fin de la scène, il lui dit, ouais, vas-y, remue un peu le bassin. Genre, bouge ton bassin. Ouais, tu fais jamais ça. Déjà. Surtout, une meuf qui a 15 ans, quoi. Lui, il en a 35, quoi, tu vois. Je m'attendais à être hyper mal. T'as la porte, genre, freeze avec tous les flics. Et en 63, alors je te laisse imaginer. Et la blonde, bah elle est. On apprend qu'elle est enceinte. Ouais, et qu'ils sont pas ensemble. Non, ils sont pas ensemble déjà. Ils sont pas ensemble. Parce que tu dis. Amis d'enfance, mais c'est pas un couple. C'est ça. Ouais. Tu dis, ça va quand même être le principal problème, quoi. S'ils sont ensemble, c'est un peu emmerdant, tu vois. Eh ben non. Ouais. Pourquoi? Et ils sont pas ensemble. Bah c'est plus simple, c'est pratique. Ah, pour bébé, vous lui dites? Ouais. Bah ouais, moi je suis quand même du côté de bébé. Et du coup, elle est enceinte. Et c'est pas le bol, elle est enceinte de qui? De Bobby. Fils du patron, de Bobby. Non, c'est pas le fils du patron. C'est du serveur. Bobby, c'est le serveur. Bobby, c'est bien d'ailleurs. Qui a pas de valeur. Qui a pas de valeur. Ouais, lui, il a pas de valeur. Lui, c'est. Il a pas de valeur, mais il a chopé tout le monde, hein, quand même. Hein. Il a, donc du coup, il a engrossé la blonde. Je sais plus son prénom. Engrossé. Là, le. Alors, c'était l'émission misogyne d'Antoine. Non, non, connard, ça va. Non, non, mais vis-à-vis de Barbie, ok, mais Greg, il utilise tout le temps cette expression. Là, il me regarde, genre, mec, c'est chaud. Mais bah, du tout, tu tombes. Je connaissais même pas ce mot. Donc, le fils du patron, c'est un gros con. Elle est hyper voilà, autant, on peut dire comme moi, si vous voulez. Ouais. Il y a du pognon quoi. La sœur de la sœur de bébé, bah c'est juste la même mais en pas du tout. C'est-à-dire qu'elle lui ressemble. La même mais pas. En jolie. Bah c'est la même mais en pas du tout non, la même surtout. C'est ouais. Moi ça trouve plus moche moi. Ah bon la sœur. Ah ouais. Ah non, elle est plus jolie. Ouais. Bah elle a juste des seins plus gros mais sinon elle est beaucoup moins belle quoi. Ah non, moi je la trouve bien plus jolie. Hein. Et tu vas avoir des assos féministes sur le dos. Non, bah, attends, non mais ça c'est un fait. Je veux dire, c'est pas il y a rien de des ouais. Mec doucement. Non, attends, elle est complètement différente parce qu'elle est moins belle et bien plus conne. Non, mais elle lui ressemble pas du tout. Moi, je la trouve plus belle. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils avaient engagé cette nana. D'ailleurs, on l'a vu dans quoi après, cette meuf? La meuf qui fait bébé. Elle a bah, dans pas rien. Dans aucun si, film. Elle a fait un épisode d'Unité Spéciale il y a 4 ans. Ouais, non, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Dans le casting, là, personne n'a rien fait. Et d'ailleurs, le vieux, le père, là, c'est un des acteurs de New York Unité Spéciale. C'est vrai ouais. Et d'ailleurs, sa voix en français, s'appelle c'est comment? Toi qui es spécialiste voix off. J'en sais rien, je l'ai pas vu en VF. Moi, ah, tu l'as pas vu en VF? Parce qu'il a une voix. Il y a un bon florilège de voix. D'ailleurs, bébé, c'est Athéna dans les Chevaliers du Zodiac. D'accord. Ok. Et Patrick Swayze, c'est l'autre qui fait Harrison Ford et Buzz l'éclair. Et ouais. Donc, il y a la scène où elle pleure dans la cuisine. Oui, alors ouais, ça c'est très marrant. Bah, c'est parce qu'elle est poursuivie par des vélociraptors, justement. C'est la même cuisine que dans Jurassic Park, mais c'est pas Center Park en fait. Elle pleure dans la cuisine et donc elle va alerter tout le monde, elle va alerter Patrick Swayze, elle va ramener. Mais c'est surtout que bébé se fouille un peu, elle fouille un peu pour savoir tout ce qui se passe, elle pose des questions à tout le monde. Elle est un peu chiante. Hein, c'est une petite fouineuse hein, quand même. C'est une petite fouineuse. Non seulement c'est une petite fouineuse, mais en plus ça marche parce qu'au bout d'un moment elle se retrouve dans les confidences, c'est-à-dire qu'ils sont trois à se connaître et l'autre elle lui parle de ses problèmes, elle est là depuis une heure et tout le monde lui dit mais tu comprends je suis enceinte parce que machin m'a mis enceinte et bébé pourquoi tu t'intéresses à ça et la nana il y a un huis clos où ils sont quatre et elle est là quoi on se demande pourquoi elle les connaît pas ça n'a aucun sens quoi ça devrait être un secret de polichinelle et Greg combien ça coûte un avortement? $250. Ça coûte $250. Ah oui, parce qu'elle demande du coup à son papa, et son papa qui est médecin et qui est en train de jouer au golf, qui a probablement un club qui coûte $1000, elle lui fait $250, c'est une somme. Alors qu'il est pété dessus. Tu peux me dire pourquoi? Ah, je peux juste pas te dire, mais bon, c'est pas un truc grave. Bon, je te le donne cet après-midi. Puis ce qui est marrant, c'est qu'il dit c'est pas pour ça. Quelque chose d'illégal. Bon, pourquoi je pose la question? Allez, ma chérie, tiens, voilà 2000. Et il y a ce truc-là où ils sont quatre, donc tu sais, elle leur doit rien. Et Non, elle leur doit rien. Elle leur doit rien. C'est juste... Elle arrive avec les 250 balles et ils sont hyper désagréables avec elle. Ouais, non, mais ça, c'est l'argent de ton père, on n'en veut pas. Elle est intégrée, mais elle se fait bâcher tout le temps, en fait. Mais en fait, c'est tout ça, il faut expliquer que tout ça, c'est une stratégie pour se rapprocher de Patrick Swayze. Ah bon? Oh. Toi, peut-être pas dans le film que t'as vu, toi, mais dans le nôtre, c'est ça. Greg, ouais. Ils ont déjà couché en 39. Patrick Swayze, c'est un plombier. Et après, il y a Bébé la Coucourge qui Bébé va. Bébé la Coucourge. Bah, moi, je la trouve Coucourge, quoi. Oui, elle est Coucourge. Ouais. Elle est un peu con, quoi. Mm-hmm. Et elle va remplacer la danseuse pro. Oui, il faut expliquer pourquoi. Parce que pour la représentation au théâtre, vu que c'est le jour de l'avortement. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire une représentation dans un théâtre alors qu'ils sont animateurs dans un center park, en fait, je comprends pas. C'est à côté, non, c'est un autre hôtel, ils expliquent ça. Ah, c'est un autre truc. Moi, ma question, c'est pourquoi on choisit Bébé alors que depuis le début, on voit que des gens qui dansent super bien et on va plutôt prendre la nana qui est là depuis deux secondes parce qu'elle a filé 250 balles. Pourquoi on va prendre cette nana qui ne sait pas danser du tout pour tout apprendre? Mais même pas parce qu'en plus, elle veut pas forcément le faire. Patrick Swayze, il veut pas du tout que ce soit elle qui le fasse. Donc c'est ridicule, parce qu'en fait il y a genre oh non mais de toute façon elle est trop nulle, je veux trop pas le faire avec elle, machin. Vrai qu'il y a des milliers, il y a des. Et il y a des danseurs de partout filles, quoi. Tu peux même prendre des mecs et leur mettre des perruques, tu vois, ça sera mieux que apprendre. Ouais. Elle a 5 jours pour apprendre le merengue, le tambo, le cha-cha-cha, ouais, le machin. Danse, et le passo doble. Quand même une danse assez technique à apprendre en 3 jours. On peut parler d'assez technique. Ouais. C'est... Et donc, bah. Et là, elle se lance dans des cours, du coup, particuliers. Et du coup, bah, cours, musique, rapprochement. Alors là, elle, ah, se, oui. elle se lance. Forcément. Dans un montage. Parce que alors là, tu vas la voir. Ouais. Il y en a trois d'affilée. Parce que là, il faut vraiment montrer qu'elle apprend. Ouais. Et elle va passer du stade de je n'ai jamais dansé à je suis globalement prof de danse, quoi. Tu vois, elle sait juste pas faire le lever, tu vois, mais. Oui, elle sait juste pas faire le porter, mais. Mais sinon, elle a une rythmique parfaite. Tu vois, faut dire qu'elle fait du surplus, parce que quand elle se promène dans le Center Park, elle danse aussi toute seule sur les marches. Un coup, elle se flinguer la cheville deux jours avant la présentation. Elle le fait. J'aurais bien aimé avoir le contre-champ avec le bateau qui passe et elle qui est en train de danser. Oh là là, qu'est-ce que je suis mais qu'est-ce que fait l'autre, elle danse toute seule. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce montage aussi, Patrick Swayze, tu vois, dès le début, il cravache à mort. Tu sais, il travaille tout le temps, il n'a pas une seconde pour lui. Et là, maintenant, il est tout le temps dans les champs, c'est à ça. Danser avec bébé. Après, il l'emmène dans le lac pour l'entraîner à se porter. Il l'emmène sur le tronc. C'est-à-dire que le mec, il bosse plus, quoi. Il s'occupe que de bébé, quoi. Ouais. Bon. Et là, c'est marrant quand ils vont sur le tronc, c'est qu'il pleut, vénère, ils font 5 bornes, gros soleil. Ah, mais le temps est changeant à Center Park. C'est surtout qu'ils font ça sur tous c'est les. C'est la Sologne, hein, tu vois. C'est comme ça. Tu vois, pour apprendre les pas de danse, bon, t'as un parquet de salle de danse, c'est pas mal. Mais du coup, tu vas voir, ils vont le faire sur une poutre, ils vont le faire dans les champs, ils vont le faire dans le lac, tu vois. Ouais. Genre, ils vont le faire sur le toit d'un train. Ils vont le faire dans tous les endroits pas possible. Et surtout, en 3 secondes, elle danse de dingue. Et surtout, ses vêtements ont été modifiés pour qu'elle devienne sexe comme les autres. C'est ça, ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle change de style. Il y a cette scène qui est ultra chelou. Alors elle doit vraiment être chelou dans le film que toi t'as vu, Greg, qui est la scène où ils dansent tous les trois. Ouais, c'est pas la même chose. Dans le remake, c'est pas pareil. Cette scène, elle est vraiment pas mal, mais elle est hyper bizarre en fait. Ouais, parce qu'il regarde un peu la blonde, enfin tu sais pas du tout. Moi, la question que je me pose, c'est à partir de ce moment-là, le père de bébé, il se pose pas la question. Bah, elle est où, Elisabeth? Là, on la voit plus depuis 3 jours, quand même. Non, mais elle était avec un tronc. Depuis qu'elle m'a demandé $250, je l'ai plus jamais revue. Et elle a que des fringues bizarres, tu vois. Tu vas où? Je vais manger une glace. Maman, elle fait un truc comme ça, je crois. Ils font des crêpes, là-bas. Ah, je reviens à 4h du mat, débranlé. Non, bah, manger des crêpes. Ok. Il y a une mini scène, j'ai hurlé de rire, parce que ça, franchement, j'ai trouvé ça hyper con. Il rentre, donc il pleut à torrent. Ils arrivent à la bagnole de Patrick Swayze. Lui, il a oublié ses clés dans la voiture. Ah oui. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un poteau. Là, il démonte la caisse. Il casse la vitre. Il casse la vitre. Et elle, ça l'excite de dingue dans la bagnole. Elle fait, oh putain, mais il est complètement zinzin de faire ça et tout. En vrai, ça coûte une blinde. Tu chauffes tous les clés, tu fais ça. C'est... Surtout qu'après, en fait, visiblement, il est passé au garage de Ryan Gosling, d'ailleurs, probablement. Parce que sa vitre est réparée. Non, il y a un carton. Ah, il y a un carton. Il y a un petit carton. Tu vois, pas de faux raccord. Ils ont pensé à tout. Ouais. Ils ont même mis sacré carton. Réalisateur. Ouais. Et du coup, il y a le show à l'hôtel. Là. Elle va le faire. Elle le fait. C'est nul parce qu'en fait, deux secondes avant, elle s'est super bien dansée. Et là, elle fait le show. Et elle se plante. Et puis, elle est toute coincée. Elle est stressée. Oui, on sent qu'elle est stressée. Enfin, mais c'est-à-dire que c'était tout l'objet du film. C'était apprendre à danser pour ce concours. Et en fait, le concours, il passe complètement à la trappe. Parce que, genre, il danse pas. Et après, c'est fini. C'est pas la finalité. La finalité, c'est quand même passer une bonne semaine de vacances. Ah oui, bah ça, elle va passer une bonne semaine de vacances. Mais oui, parce qu'après le concours, en fait, ça c'est pas que dans le film de Greg, mais ils vont faire que coucher ensemble aussi. Ouais. Mais juste pendant le concours, elle le rate, le concours. Mais c'est pas un concours. Non, il va le concours pendant le spectacle. C'est pas un trou noir. Pendant le spectacle, en fait, elle fait. Tu sais, c'est pas. En gros, la danse, c'est tu fais des pas. Et après ça, t'as un truc de transition, danse, tu fais des pas, des machins. Ah, c'est ça la danse. C'est une belle définition. D'ailleurs, c'est la définition d'un dictionnaire. Danse, c'est tu fais des pas. Faire des pas. Antoine Larousse. Petit Antoine. Mais le truc, en gros, moi, ce qui me fait marrer, c'est que dès qu'il y a un move technique, elle le fait parfaitement, fluidité de corps, de dingue. Et après ça, elle fait semblant d'être mal à l'aise pendant 2-3 secondes. Après ça, elle refait un autre mouvement parfait. Enfin, tu vois, c'est une imprécision complète tout le temps. Là, c'est des transitions qui sont foirées. Mais du coup, c'est mal fait parce qu'elle regarde le public avec un œil de détresse. Tu sais, elle est là, genre pétrifiée. Et justement, comme tu dis, après, elle fait le méga move. Bon, ça, c'était vraiment après, mal fait. Elle fait le move avec les yeux de la confiance et tout. Et l'autre, il arrête pas de lui parler. Vas-y, ici, mais tourne maintenant. Et puis, bon. Et il rate les lifts. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a deux portées à faire. Le lift. Et ils vont pas les faire. Ouais. Et ça va être un peu la. Putain, c'est chelou, c'est quand même important qu'on la fasse et tout. Mais en fait. Non, il s'en fout au final. Il a quand même bien lancé et c'est pas grave si. En fait, qu'il le rate, ça n'a aucune espèce d'importance dans le film, quoi, parce que tout le monde s'en fout. Après, une fois que cette scène est finie, on ne parle plus jamais. Non, ça a une importance dans le film. Parce qu'à la fin, ils le font. Ils vont faire. Oui. Là, il y a un truc qui m'a. C'est vrai. L'info vient de tomber là dans le film, c'est que l'avortement, le fameux médecin qui devait s'en charger. C'est Ryan Gosling. Il est venu avec sa tête. Avec son il y a un mec avec un crabe dans le dos qui est venu là. Parce qu'il l'a fait au marteau, quoi. Donc c'est ça, le type, apparemment, il est venu avec des outils rouillés, donc c'était assez mal fait. Donc il y a papa qui est médecin, en plus d'avoir $250, en plus il est médecin, c'est cool. Bah, il aurait pu tout faire tout seul. Hein, en fait, mais ouais, mais attends, plaisir, c'est à l'époque, à l'époque du film, c'est interdit l'avortement dans la société américaine puritaine. Alors là, on est en 1963. Et là, il y a petite crise de confiance de Patrick Swayze, parce qu'elle va le retrouver chez lui. C'est comment d'ailleurs chez lui c'est une cabane. Hein. C'est une cabane, non, c'est un peu stylé quand même. C'est, non, méga c'est une cabane, grand. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sauf un tourne-disque. Il n'y a pas de frigo hein, par contre. Non. Non, mais c'est hyper grand pour une pour chambre une de géo quoi. Et ensuite, elle arrive. Mais après, on la voit, il est vraiment dans la forêt quoi, tout seul. Quoi. Non, mais c'est vrai. Il va chasser le matin. Et quand elle arrive chez lui, lui dit. Non, fais pas attention, j'ai vraiment honte, j'ai le pire endroit du parc. Bah, ça va, hein. Globalement, elle est tranquille. Hein. Et là, ils vont danser. Il va avoir une petite crise de confiance. Il va dire, putain, mais moi, je suis un moins que rien et tout. Je suis juste hyper beau gosse. Oui, c'est vrai. Ouais. Je danse trop bien. Ouais. Parce que, ouais, c'est pareil, il se tape toutes les vieilles du camp aussi. Mais il en a marre. Ouais. Il se tape les vieilles du camp, mais il en a marre. Mais elle se sert. Enfin, dans la version de Greg, il en a pas marre, mais... Il y en a même deux dans cette scène-là qui sont là. Là, il y a la petite déclaration d'amour et le baiser, enfin. Enfin. Oui. Et là, par contre, tu vas en avoir pour ton argent, parce que là, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du film, ils vont baiser à peu près 9 fois. Ouais, mais ils vont. T'as remarqué qu'au bout de la troisième fois qu'elle lui demande son prénom. Mais comment tu t'appelles, au fait? Ouais, c'est vrai. Ils ont déjà couché deux fois ensemble. Et ça, pour le coup, ça m'a un peu choqué, parce que moi, je m'attendais vraiment. c'est pas tout. Moi, je m'attendais vraiment, tu vois, à la scène finale, t'as le vrai baiser et tout. Non, non, en fait, en milieu de film, ça va, déjà, c'est réglé, tu vois, l'alchimie entre eux, c'est bon. Mais ça va pas se passer comme ça parce que papa il va intervenir. Papa il se rend bien compte que c'est en train de virer chocolat avec sa fille. Bah déjà il a vu qu'une heure en une semaine, donc du coup il commence à se poser des questions. Et du coup la grosse pluie elle se barre encore, elle lui dit tu vas où? Je vais manger des crêpes. Ils sont en train de faire un puzzle. Oui. C'est un puzzle avec son père. Tu m'étonnes qu'elle a envie de se barrer manger des crêpes. Bah, surtout qu'elle tu préfères quoi, faire un puzzle avec papa ou taper Patrick Tracy dans une cabane trop romantique, t'sais. Donc elle se barre encore. Papa il comprend hein, et puis au bout d'un moment au petit déjeuner il est super vénère, il fait allez on s'en va cet après-midi. Oui, oui. Ouais. Et puis au bout d'un moment il dit bon ma fille grandit, il faut que j'accepte les choses. C'est surtout sa femme et l'autre fille. Non, papa, on a dit qu'on partait dimanche. Moi, je suis rentré dans la psychologie du papa et là, en fait, c'est ça qui se passe, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, il a des valeurs, donc. Il y a beaucoup d'experts qui s'accordent pour dire ça. Ouais. Je pense que Tony Montana, il serait rentré aussi. Moi, déjà, il aurait tué Patrick Swayze. Tony Montana, il a failli brûler le Center Park. You cockroach! C'est qui le méchant? Hein, regardez-le bien, le méchant! Il y a une scène de baston d'ailleurs où Patrick Swayze va latter la gueule à Bobby. Ouais. Ouais. De Bobby. Là, on peut dire que c'est un blouson noir. C'est un vrai blouson noir. Qu'est-ce que tu dis? Et à un moment, il lui dit vas-y, tape-moi. Il dit quoi? Il lui dit aussi tape-moi. Ouais, pour que, ouais, il que marque, ça paraisse moins louche. Ouais. Quoi. Faut dire que c'est lui qui a commencé. Ça, lui dit quoi mal. D'ailleurs? Je me souviens plus, parce que Bobby arrive. Je crois qu'il le traite de mauviette. Non, il dit. Moi, je l'ai vu en VO. Il traîne avec la racaille, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, alors bébé, tu traînes avec la racaille. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ça chauffe aussi, quoi. Ouais. Ça l'a chauffé. Ça, c'est pas sympa. Hein. Et donc, du coup, ils vont se battre. Après, ils vont rebaiser encore. Hey, avec Bobby. Je comprends pas. Dans t'as vu la version de Greg. Il y a Bobby qui arrive. Et il y a quand même la vieille qui s'est fait bâcher par elle est vénère, hein. Patrick. Ouais. Et au final, elle se tape Robby. Eh ben, tu vois, alors, Robby ou Robby, je comprends plus. Pour moi, c'est Robby. Hein. Ah, c'est Robby. Robby, c'est Robby, Robby. Oui, c'est pareil. Et là, inexplicablement, en plein milieu de ce film qui se passe en 1963, on entend une musique de 1980. Là, c'est déjà la scène finale, là? Non, c'est avant, mais en plein milieu du film, t'entends. C'est la musique où il y a Swayze qui chante, d'ailleurs. En fond, t'entends avec le turbo synthé, le vrai truc, il n'y a pas de doute, quoi. Et ça met au drive, d'ailleurs. Et du coup, il va être accusé à tort, Patrick. Ouais, putain, c'est moche, hein. Accusé à tort, oui. Mais non, mais c'est lui qui dit au père Enfin, il laisse sous-entendre au père que c'est lui qui est. Pour les portefeuilles volés. Ah oui, ouais, c'est moche, non? Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'épisode des portefeuilles volés. Ouais. J'expliquerai pas. Hein. C'est je moche. Je laisse la parole. Ah, vous avez pas envie? Non, moi je dis juste que c'est moche, mais voilà. Pas envie, peut-être. En gros. Il y a un portefeuille qui disparaît. Ouais, il y a un portefeuille qui disparaît. Et, lors d'une soirée. Et Patrick Swayze, il est accusé. Moche. Accusé, il va être viré. Et là, bébé avoue que c'était pas possible parce qu'elle était dans sa chambre. Donc, gros clash entre bébé et son père. Oui, voilà. Exact. Papa là, il. Et en fait, on apprend que c'est un couple de voleurs de portefeuilles argentins. C'est les fameux. On les a enfin arrêtés. D'ailleurs, c'est pas les d'ailleurs, c'est pas des riches du portefeuille. Hein. Et les mecs, ils payent tous les Center Park super cher pour aller voler des portefeuilles discrètement dans les poches des gars. Bon, ça faisait 6 ans qu'on les recherchait. Dans tous les Center Park du pays. D'ailleurs, Oliver Stone voulait faire un tournée avec ces deux personnages-là. Et du coup, bébé avoue tout. Donc elle dit non, c'est pas lui qui avait les portefeuilles. Parce qu'en fait, on faisait l'amour dans sa cabane. Voilà. Donc là, ce qui est potentiellement bien plus grave, tu vois. Mais bon, tant pis. Lui, il se casse. Et elle est triste. Voilà. Ah, mais il y a l'explication aussi entre Patrick Swayze et le père. Et là, il est débile. Lequel? Johnny. Lequel est débile? Ah, ouais, c'est moche. Non, mais il est complètement débile dans son explication. Le truc, c'est que le père croit que c'est Patrick Swayze qui a mis enceinte sa partenaire, alors que c'est Bobby. Et lui, il pourrait lui dire directement, bah non, c'est pas moi, mais je sais pas, il entretient le mystère. Il a laissé sous-entendre que c'était lui. Mais c'est plus sur le... Bah, de toute façon, si tu pars du principe que c'est moi, et ben reste dans ton ignorance, j'ai rien à vous prouver, ça, c'est les valeurs encore, l'orgueil. Ça, c'est les vraies valeurs américaines. Des blousons noirs. Ça a été un blouson noir. Après, du coup, lui, il se casse. Elle est triste. À ce moment-là, quand même, moi, j'ai un peu rigolé devant le film parce que je me dis, mais en fait, c'est juste un film sur une semaine de vacances, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'après, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il se casse là ou qu'il se casse pas, ça change rien. Elle va rentrer chez elle c'est fini, quoi. Tu vois. Pareil qu'il y a un 2 d'ailleurs. Ouais. Qu'il y a un Dirty Dancing 2. Ouais. Je crois qu'il y a Patrick Swayze dedans encore. Ah ouais? Ouais. Je suis pas sûr du tout. Il a 50 ans, il danse encore avec des vieilles et des jeunes. Là, pour le coup, c'est appelé vieille. C'est Balasco d'ailleurs. Et il y a la scène finale. C'est la grosse fête du Club Med. C'est-à-dire que là, c'est la fête du Club Med qui a l'air d'être la fête de l'enfer quand même. Avec la sœur qui chante. Surtout pour ça que c'est ça. Surtout, il y a que elle qui chante avec tous les gens du truc. Ah oui, d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que le mec du club, il va voir Bébé, et lui dit, d'ailleurs, Bébé, tu fais partie du spectacle de fin d'année. Mais pourquoi, en fait, elle est là une semaine, pourquoi elle fait partie du spectacle de fin d'année? C'est super sûr. En même temps, fait partie du spectacle de fin d'année. Mais oui, ça n'a aucun sens. Puis ça va, lui, c'est genre le tout puissant, ça va, ton père, il a un Center Park, tu vois, c'est pas fils de Will Smith. Lui, c'est le méchant du film, c'est le mec que tu détestes, quoi. En méchant, il y a plus méchant quand même. C'est Bobby le méchant du film. Ouais, c'est les deux font la paire. Mais lui, il est carrément détestable, le fils du patron. Ouais. Il est insupportable, il est hautain. Et donc, fête de fin d'année, et là, c'est pareil. Enfin, de fin de séjour, en fait, pas de fin d'année, parce qu'ils sont pas de fin d'an. Fête de fin de semaine, voilà. Fête de fin de semaine. Ça s'appelle leur week-end. Remusique années 80. Non, attends, parce qu'avant qu'il y ait ça, en gros... T'as le parterre des gens du ah oui, c'est vrai, qui font la chanson de l'enfer, et là t'as Patrick Swayze qui était censé être parti qui arrive avec son blouson coup de théâtre, genre il arrive, il prend le micro, il coupe la musique, il prend le micro et personne ne dit rien. Donc, en vrai, c'est cassez-le, il va foutre la merde là. Ouais. Et là, il fait ouais, j'ai promis que je ferai un spectacle, je vais faire un Balenka ou je sais pas quoi. Ouais, genre c'est toujours moi qui fais les spectacles de fin d'année. Ça c'est typique. Et pareil, il était vénère parce que le fils du patron, il avait commandé une danse. C'est quoi le nom de cette danse? Le cha-cha-cha? Le paso doble? Le mambo? Il dit, on va faire un truc... Un pachenga, mais en fait, je suis en train de confondre avec un mouvement de foot, là. J'ai entendu panenka tout à l'heure, parce que c'est bizarre, il tire pas les pénaltys, celui-ci. Il fait des jongles. Un merengue africain ou un truc comme ça. Et je pense qu'on va faire tous les noms. Afro-cubain. Un merengue afro-cubain. Ils savent ça, il y a un mambo. Et là, il se chauffe trop, il fait ah ouais, regarde, ça va faire comme ça et tout. Et le mec fait non, mec, détends-toi, on va juste faire un cha-cha-cha. Ah bon. Et là, il est un peu vénère quand même. Donc la fête. Et du coup, là, il arrive, il met sur play sur un tourne-disque. Ouais. Et là, t'entends. Et une musique des années 80. Bah, c'est limite s'il met pas une cassette aussi. La musique de Dirty Dancing. Ah, mais l'œil, mais ce qui est marrant après, c'est qu'il y a le mec qui joue la contrebasse. Il y a le boss, il y a le boss qui vient voir et fait toi aussi, tu sais jouer cette musique de fou. Et le gars, il est avec une contrebasse et il fait des basses de synthé, quoi, tu vois. Alors qu'il y a un tour de disque derrière. Alors il fait du playback ou c'est lui qui fait les basses? Moi, j'ai une fois mais en fait, moi, ma théorie, ce que j'ai tout dit, une théorie là-dessus, c'est qu'en fait, le groupe, il apparaît après. Et il apparaît au moment où t'as les trompettes qui viennent s'ajouter. Trompettes midi, hein, d'ailleurs. Hein, ouais. Qui viennent s'ajouter dessus. Et c'est, en fait, il me fait trop marrer, c'est que t'as l'impression que c'est sur le disque, mais en fait, non, ah non, t'as des musiciens qui jouent la trompette par-dessus, tu vois. Le groupe de jazz 1960. c'était la version karaoké, c'est la phase B, en fait, du disque. Et à la toute fin de la danse, donc là, ils vont faire le porté, ça va marcher, tout le monde va s'enflammer, tout le monde va kiffer, tout le monde va se lever pour danser. Oui. Tout le monde va se choper, du coup, ouais, ça va devenir... Et t'as tous les danseurs professionnels qui arrivent, donc en fait, on les aura vus deux fois dans le film. Ouais. Ils arrivent à ce moment-là, tout le monde, ils font leur danse, leur dirty dance. Normalement, ils sont là que pour le spectacle de fin d'année, donc là, ils sont là. Et à la fin, ils vont s'embrasser. Et il y a un énorme plan, tu vois, genre, ah, enfin, ils s'embrassent. Alors que de toute façon, bon, il s'est déjà passé 48 trucs, tu vois. Potentiellement, bébé, elle est enceinte. Oui. Ça aussi, ça, tu vois, il y a tout un truc sur l'avortement, mais bon, ils couchent ensemble sans se protéger. Donc, potentiellement, bébé, elle est déjà enceinte aussi à ce moment-là. C'est vrai. D'où le 2, sans doute. Hein. C'est son bébé qui va apprendre à danser alors qu'il a 2 ans. Mais il a 2 ans, on vient quand même relever le défi. Mais le spectacle n'est que dans 3 heures. Et il faut faire un porté de meringue. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, petite ambiance musicale. C'est quand je laisse la bande-annonce après. Ça fait 2 fois. Hein. Je veux que ça se reproduise. En fait, YouTube, maintenant, il fait un truc et à chaque fois que j'ai une vidéo. La, c'était arrive, déjà ton excuse la dernière fois. Je ne veux rien savoir. Et il continue à mettre d'autres sons et là, ça tournait et du coup, on a. Bon, bah voilà, on s'est fait avoir. Eh ben voilà. Donc, du coup, vous en avez pensé quoi ? Ben, on l'a dit au début déjà, non ? Oui, ouais, mais maintenant qu'on en a reparlé, vous avez peut-être changé d'avis. Non. Toi, maintenant, tu t'es rendu compte que t'as pas vu le même film que nous. Non, en fait, tout ce que j'ai dit au début, c'est faux. En fait, c'est bien construit, tout est cohérent. En fait, j'ai changé d'avis. Non mais voilà, c'est pas un film sur la vie, c'est un film de vacances et c'est un peu du coup ça rend tous les trucs un peu plus creux quoi. Ouais, c'est un truc pour les nanas. Mais non, mais c'est surtout que c'est ridicule quoi. Le ça tient pas debout dans la vraie vie, c'est pas du tout y a rien qui se passe comme ça quoi. Par contre, ils dansent bien. Oui. Franchement, oui, en vrai les scènes de danse, elles sont cool. Elles sont trop cool. C'est aussi c'est un danseur. Bien, en fait. Le générique est bien, on en a pas parlé au début. Je trouve que le générique du début est très bien sur les Ronettes. Ah oui, oui. Avec l'espèce de pastel là. Ouais. Moi, les musiques sont cool. Les musiques sont bien. C'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a un. Alors, les commentaires 5 étoiles, Allociné. Alors, Allociné ou Amazon, parce qu'Amazon Les deux. Ouais, je vais voir les deux, il n'y en a pas trop. Il y a forcément le commentaire de la cruche, hein. Je vais le faire dès le début, comme ça ce sera fait. Donc c'est Christelle 67. Je kiffe, c'est mon prénom. Déjà Christelle. Dès que j'ai un prénom de merde, c'est Christelle. Alors elle commence par ah là là là là là là là là. Ce film il est excellent. Je l'ai vu une trentaine de fois et franchement j'ai pas fini de le voir. À chaque fois je pleure comme une madeleine. MDR. Franchement il est trop bien. Une très belle histoire d'amour, de très belle danse, une histoire tout public mais bon. Quand même un peu plus pour les filles, MDR j'adore. Ça, le commentaire cruche il est fait. Mais attends, mais surtout tu pleures quand? Bah quand il se barre. Bon, c'est le côté romantique. Même pas, quoi. Ouais, enfin. Enfin moi j'ai plus pleuré dans Drive que dans ce truc. Hein. Ah oui. Ouais. Après on a Galion 16 qui nous dit. Pour un peu, on voudrait aller passer 15 jours dans un camp de vacances au milieu de nulle part. Ah bah oui. Non, non mais jamais quoi. À concocter des paniers en macramé. Il a réussi à trouver une activité plus chiante que le film quoi. J'ai pas vu le même film. Alors après on a Edith du 91 qui nous dit très bon film à voir et revoir. Beaucoup de musique et de danse, elle a remarqué, c'est bien. Très grand acteur Patrick Swayze qui nous a quittés pour un monde meilleur. Ce film m'a beaucoup marqué et changé par rapport au film d'horreur que j'apprécie. Il n'y a pas de violence. Non. Alors effectivement, moi je voyais pas trop la différence entre Dirty Dancing et L'Exorciste. Et maintenant que j'ai eu le commentaire, effectivement. Bah éclairer ce commentaire, il faut les revoir les deux maintenant. On a Kamedolm Komira, il m'en reste deux, hein, qui dit, ce film marche. C'est un homme. Hein. J'ai passé un moment exceptionnel avec une fille. Et je n'oublierai jamais la sensualité et l'intensité mélangée entre ce qui se passait dans le film et ce qui se passait dans la réalité. Ouais, c'est un film pour pécho, quoi. Non, mais attends, il a vu la version de Greg. Rien que pour le rêve que m'a donné ce film, merci. Quand tu fais ça, on a l'impression que le mec, il a 45 ans, tu sais. J'espère qu'il n'y a pas la même différence d'âge entre Patrick Swayze et bébé quand tout le cas est la meuf qui l'a quitté. Et enfin, pour finir, on a Marie Aude qui n'assume absolument pas d'aimer Dirty Dancing, en fait. Elle dit « Soyons honnêtes, Dirty Dancing n'est pas un grand film. Il est même, pour la trentenaire que je suis, un énorme navet. Dialogue kitsch, jeu d'acteur inexistant, bilan de tout ça, de points, film sans intérêt. Mais un jour, moi aussi, j'ai eu 13-14 ans, et quand j'ai vu ce film pour la première fois, les hormones en folie, je me suis dit « Il est trop beau, Johnny, il danse trop bien. Le film de mon adolescence. » Effectivement, c'est le film de toute une génération. Vous savez, cette génération de pisseuses qui ont ensuite un faible pour les bad boys. Je l'ai vu une centaine de fois, mais je dois l'avouer, je me le repasse encore de temps en temps aujourd'hui, mais... Wouh ! Et ben voilà, on recommence à danser. On aime la danse. Ça, c'est vraiment. Moi, j'entends ça 1963, quoi. Ah bah, ça c'est 63. Hein. Allez, totalement dans l'époque. Et ben voilà, c'est les Ronettes, hein, qui chantent d'ailleurs. Les Ronettes. Donc, c'était. Dirty Dancing. C'était notre avis et celui des autres sur le film Dirty Dancing. Des commentaires, des réactions. Notre SDP, voilà. Ouais. 2_HDP. 2_. On va arrêter de le dire, ça, parce qu'en fait, personne ne laisse jamais un seul commentaire. Si, de temps en temps. Oh, il y a eu J. Oui, ah oui, quand même. Je pense qu'il est pas venu parce qu'il a écouté qu'on lui a dit de le faire. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut, à la semaine prochaine. Yes, I do. Hey, yeah. And I hold it.